Trois jours plus tard, Josué s'adresse au peuple et aux prêtres. Sanctifiez-vous, car le Seigneur doit faire au milieu de vous des prodiges. Portez l'arche d'alliance et passez devant le peuple. Approchez pour entendre les paroles du Seigneur, votre Dieu. C'est à ceci que vous saurez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les habitants de ce pays. Voici, l'arche d'alliance du Seigneur de toute la terre va traverser devant vous le Jourdain. Prenez 12 hommes, un pour chacune des tribus d'Israël. Dès que les prêtres qui portent l'arche d'alliance de Yahweh, le Seigneur de toute la terre, auront touché de la plante de leurs pieds les eaux du Jourdain, les eaux du fleuve seront coupées et s'arrêteront en un monceau. Les porteurs arrivent au fleuve et les pieds des prêtres touchent l'eau. Les eaux d'amont et les eaux qui descendent vers la mer se séparent. Les prêtres, porteurs de l'arche d'alliance, s'arrêtent sur le lit desséché du Jourdain pendant que tout Israël passe à sec en face de Jéricho. Puis le Seigneur dit à Josué : Choisissez parmi le peuple 12 hommes, un par tribu, et donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, au milieu du Jourdain, en cet endroit où les prêtres se sont tenus, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez à l'endroit où vous passerez la nuit. Josué obéit. Les Israélites quittent le Jourdain et passent la nuit à Galgala, à l'extrémité ouest de Jéricho. Josué y érige les 12 pierres extraites du fleuve. Quand vos enfants demanderont un jour à leur père « Que signifient ces pierres ?» vous leur répondrez en ces termes. « Israël a passé le Jourdain à sec, car le Seigneur votre Dieu a desséché devant vous le lit du Jourdain, jusqu'à ce que vous l'ayez franchi. C'est ce que le Seigneur votre Dieu avait déjà fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous fussions passés. Et cela, pour que tous les peuples de la terre apprennent que la main du Seigneur est puissante, et pour que vous conserviez toujours la crainte du Seigneur, votre Dieu. » Ils arrivent en face de Jéricho. « Vois, Josué, je t'ai livré Jéricho et son roi, et ses vaillants guerriers. Vous ferez le tour de la ville, toi et tous les guerriers. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, les prêtres sonnant de la trompette. Au son de la corne éclatante, quand vous entendrez la voix de la trompette, la muraille de la ville s'écroulera. Alors le peuple montera à l'assaut, chacun devant soi. » Le 7e jour, les trompettes sonnent. Les prêtres font 7 fois le tour de la ville. La muraille s'écroule. Josué, avec tout Israël, prend possession du pays selon la promesse du Seigneur à Moïse. Il partage la terre en 12 parts, suivant les familles issues de Jacob. Seule la famille de Lévi n'a pas droit au partage, parce que les membres de cette famille sont tous des prêtres consacrés aux autels du Seigneur. Ils obtiennent pourtant 48 villes et leurs environs, disséminés dans tous les territoires. Josué vieillit. Il réunit le peuple d'Israël. « Craignez le Seigneur et servez-le avec intégrité. »« Nous servirons le Seigneur. » Vous êtes témoins contre vous-même que vous avez choisi le Seigneur pour le servir. Nous en sommes témoins. Maintenant, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez vos cœurs vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. Josué prend une grande pierre et la met sous le chêne qui est dans le lieu consacré au Seigneur. Voici, cette pierre servira de témoin contre vous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur vous a dites. Elle servira de témoin contre vous, afin que vous ne reniez point votre Dieu. Josué meurt après ces paroles. Il était âgé de 110 ans.